الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن الله أنعم على العالمين عموما وعلى المسلمين خصوصا بنعم كثيرة قال تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فهذا الدين العظيم نعمة وأكبر هذه النعم بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم ورسولنا الأمين بهذا الدين العظيم الذي هو رحمة للمسلمين بل للعالمين ونور المستضيئين هذا الدين نعمة هذا الدين رحمة هذا الدين نور فاعرفوا قدره وحافظوا عليه فكل ذي نعمة محسود فما بالكم بالنعمة الكبرى نعمة الإسلام قال سبحانه وودوا لو تكفرون وحال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة عاشوا في ظلمات ولا أجد أحسن مما قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي لما سأله عن هذا الدين وهذا الرجل الذي أرسل إليهم فقال جعفر رضي الله عنه وأحسن في القول أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على هذا حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلو ما كان نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الأشجار والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحسنة وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعدد أمور الإسلام. فسبحان الله، هذه كانت الجاهلية، ثم هذا هو الإسلام. ومن هنا يتبين قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، الإسلام دين رحمة، دين رب العالمين، وكيف لا يكون رحمة؟ ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الرؤوف الودود، التواب الغفار. هذا الدين دين السماحة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. صححه الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. رواه أحمد. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل ليعتدي على الناس، لا بقتلهم ولا بإيذائهم ولا بظلمهم، بل ليهديهم إلى مرضاة خالقهم وإلههم الحق، الله الواحد الصمد سبحانه وتعالى. نبينا رحمة للعالمين. عمت هذه الرحمة الصبيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميم جالسا، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فيقرأ بسورة الخفيفة أو بسورة القصيرة. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، رحمة للنساء، فأعلى مكانتها وشأنها، ونهى عن ظلمها، وأمر بأداء حقها، وذكر في أنفع المجالس في حجة الوداع فقال: فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. عند البخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للحيوانات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها حتى ماتت. رواه البخاري. وعند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلبا كاد أن يقتله العطش، إذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت منقها فسقته فغفر لها به. بل رحمة للجمادات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع الشجرة في الحرب لغير ما حاجة، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن العالمين الكفار. قيل له كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، ادعوا على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وعندما دعا قومه إلى أفضل الأعمال، إلى توحيد الله رب العالمين، ضربوه حتى أذموه، فقال وهو يمسح الدم عن وجهه الكريم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من كمال ديننا أنه حرم الظلم بشتى أنواعه. فعند مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا نداء من رب العالمين، حرم الظلم على نفسه مع أنه العزيز القوي سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين العزيز القهار. وجعلته بينكم محرما، أي بين العباد. قال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. والظلم حرم بالكتاب والسنة وبالإجماع. قال الله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والظلم أنواعه ثلاثة: ظلم العبد لنفسه بالإشراك بالله رب العالمين، وهذا أقبح أنواع الظلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فصرف العبادة لغير الله أظلم الظلم وأكبر الذنب الذي عصي الله به. والقسم الثاني: ظلم العبد لنفسه بالذنوب ومعصية الله رب العالمين. ونوع الثالث: ظلم العبد بالاعتداء إلى الآخرين. وكل ذلك محرم في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله رب العالمين أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يصلح أنفسنا. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. ثم أما بعد، شيخ صشيك الله سبحانه وتعالى nous a comblé de ses nombreux bienfaits. Il a comblé l'ensemble des musulmans de nombreux bienfaits, et de manière plus générale l'ensemble des mondes, l'ensemble des créatures, en nous faisant don de nombreux bienfaits. Allah nous dit dans son livre: et il vous a donné de tout ce que vous avez demandé, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Et sans aucun doute, le plus grand de ses bienfaits, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé, l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce messager a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. C'est une lumière par laquelle toute personne désirant suivre le droit chemin pourra s'éclairer. Allah nous dit dans son livre, ô vous les gens du livre, il vous est venu notre messager qui vous démontre beaucoup de choses que vous avez cachées dans votre livre. Et il pardonne beaucoup. Il est venu à vous de la part d'Allah une lumière et un livre évident, explicite. Et Allah nous dit dans un autre verset, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Voici les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les musulmans particulièrement et sur l'ensemble des gens de manière plus générale. Cette religion, c'est une miséricorde pour les mondes. L'islam est un bienfait pour les mondes. C'est une lumière. On doit tous reconnaître ce bienfait-là afin de le préserver, de nous montrer reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas nous faire distraire, nous laisser distraire par les rumeurs qui courent sur notre religion parfaite, sur notre religion complète, sur les gens qui disent que cette religion est une religion qui véhicule le terrorisme. Kadhabou l'amrullah. Ils ont menti sur l'islam. Tout comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a menti sur lui. En disant que c'était une personne qui faisait couler le sang. En disant que c'était un sorcier. En disant que c'était un menteur. Que c'était une personne qui avait déterré un livre. Wa kullu dhalika kadhib. Et tout cela n'est que pur mensonge et invention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Les gens vous jalousent de votre religion. Et Allah nous dit dans le Coran, ils espèrent que vous sortiez de l'islam. Donc faites attention à votre religion et préservez votre religion. Apprenez la réalité de l'islam à travers la science utile et les actions pieuses. Apprenez l'islam avec lequel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion parfaite, cette religion complète. Et si on regarde l'état des gens et des peuples avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on verra qu'ils vivaient dans les ténèbres. Ja'far radiallahu anhu, lorsque Najashi lui a demandé sur cette religion, sur cet homme qui a été envoyé envers à eux, il a répondu de la plus belle façon en disant, ô cher roi, nous étions un peuple de la période islamique. On adorait les idoles, on mangeait la viande morte, on commettait la turpitude, on rompait les liens de parenté. On avait un mauvais comportement envers le voisinage. Les plus forts parmi nous opprimaient les plus faibles. Jusqu'à ce qu'Allah nous ait envoyé un messager. Nous connaissons sa lignée, sa famille, sa véracité. C'est une personne de confiance, une personne qui ne commettait pas les turpitudes. Et il nous a appelés à la religion d'Allah, afin qu'on l'adore d'un culte sincère, et que nous délaissions ce que nous adorions, nous, ainsi que nos parents. Le polythéisme, les pierres et les idoles. Il nous a ordonné la véracité, de dire la vérité, de délaisser le mensonge, de respecter le dépôt, de lier les liens de parenté, d'avoir un bon comportement envers nos voisins, de délaisser la turpitude, de ne pas faire couler le sang. Il nous a interdit de faire de faux témoignages, de manger l'argent de l'orphelin et de parler sur les femmes innocentes. Il nous a ordonné d'adorer Allah d'un culte sincère et de nous détourner du polythéisme, d'accomplir la prière, de nous acquitter de l'aumône légale. Et il a cité d'autres choses faisant partie de l'islam. Voici la période anti-islamique. Et voici la religion parfaite avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec tout cela, on comprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Est-ce que c'est une miséricorde que pour les musulmans? Non. Cette miséricorde est bien plus vaste que cela. C'est une miséricorde pour l'ensemble des gens. Pour l'ensemble des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure foi, c'est la patience et l'indulgence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, excuse les gens et tu seras excusé. Voici ce que nous ordonne cette religion parfaite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour nuire aux gens, ni pour être injuste envers eux. Il n'a pas été envoyé pour semer le désordre sur la terre, pour tuer les gens et faire couler leur sang, pour leur nuire, non. Mais il a été envoyé pour guider les gens et enseigner aux gens comment atteindre l'agrément de leur Seigneur, leur Créateur, la seule divinité qui mérite entièrement l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Et sa miséricorde englobe les enfants. Il était doux et affectueux envers les enfants. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali et de Fatima radiallahu anha, radiallahu anhuma, et il l'a embrassé. Il avait auprès de lui Al-Aqra'. Al-Aqra a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est étonné de sa miséricorde et de sa douceur envers ses petits-enfants. Et il lui a dit, j'ai 10 enfants. J'ai 10 enfants, je n'en ai jamais embrassé un seul. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné et lui a dit, celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Celui qui n'a pas de pitié envers les gens, il ne recevra pas la pitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en prière et qu'il entendait des petits ou des enfants ou des nouveau-nés pleurer, il récitait et abrégeait sa récitation. Il récitait de courtes sourates. Et si il avait commencé à lire une sourate longue, alors il l'écourtait par miséricorde envers cette mère qui entendait son enfant pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc une miséricorde et sa miséricorde a englobé les enfants. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à côté des enfants, il les saluait. Il les saluait. Kana mutawadi'an sallallahu alayhi wa sallam. Il était humble, il était doux et ne saluait pas ceux qu'il connaissait seulement, non. Mais même les enfants, il leur donnait de l'importance. Car c'était une miséricorde pour ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Et c'est une miséricorde pour les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé la place de la femme et son statut. Il a interdit de l'opprimer, de lui faire de l'injustice. Il a ordonné qu'on lui donne ses droits. Et dans le plus grand rassemblement, au pèlerinage, au serment d'adieu, il a dit, craignez Allah envers vos épouses, craignez Allah envers vos femmes, et je vous recommande la bonté envers elles. Et lorsque des femmes sont venues se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti voir les compagnons et leur a dit, beaucoup de femmes sont venues se plaindre de leurs époux. Et il y a parmi vous des gens qui font du mal à leurs épouses. Ces gens-là ne sont pas les meilleurs parmi vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en tant que miséricorde pour les orphelins. Et il a dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, nous serons comme cela au paradis. Subhanallah. Est-ce qu'il y a une miséricorde après cette miséricorde? Est-ce qu'il y a de la pitié après cette pitié avec laquelle a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage. Et il y avait des femmes sur des montures, sur des chameaux. Et ceux qui dirigeaient les chameaux ont commencé à accélérer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cela, il a eu peur pour les femmes. Et il leur a dit, « Rifqan bil qawari, ayez de la douceur. douceur envers les petites perles. Ayez de la douceur envers les cristaux, comme cela il a parlé des femmes. Il a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec mes épouses. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses épouses. Et je suis le meilleur avec mes épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que miséricorde pour les musulmans. Allah dit dans le Coran, et c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Et Allah lui a ordonné de faire des du'as pour eux. Et Allah dit dans le Coran, il vous est venu un messager, issu d'entre vous, c'est-à-dire de votre tribu, des Arabes. Azizun alayhi ma anittum. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Le mal qui vous touche lui fait mal. Harisun alaykum. Il est motivé afin de vous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les croyants doux et miséricordieux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa miséricorde, la miséricorde avec laquelle il a été envoyé est tellement vaste qu'elle a même englobé les animaux. Qu'elle a même englobé les animaux, subhanallah. Ma a'zama hadha ad-din wa ma awsa'a hadhihi ar-rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une femme qui est entrée en enfer à cause d'un chat. Elle l'a attaché, il n'a donc pas pu se nourrir. Ni elle l'a délié pour qu'il puisse aller manger les choses de la terre, ni elle l'a nourri. Alors Allah l'a mis en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un chien qui allait mourir tellement il était assoiffé. Alors une femme prostituée des enfants d'Israël a vu ce chien-là et a été touchée par sa situation. Elle a donc pris de l'eau dans sa chaussure et l'a abreuvée. Elle a donné à boire à un chien. Alors Allah était reconnaissant de son acte et lui a pardonné ses péchés. Subhanallah. La miséricorde a touché même les animaux. Et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un chameau qui était en difficulté car son propriétaire l'avait trop chargé. Alors il a attrapé son propriétaire et lui a dit, ce chameau s'est plaint auprès de moi. Et il m'a dit que tu le traitais mal. Alors traite bien ta bête. Subhanallah. Une miséricorde qui a touché même les animaux. Une miséricorde qui a même touché la végétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de couper un arbre, même durant la guerre, sans nécessité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la montagne Uhud. Et a dit, Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Si cela est sa miséricorde envers les animaux, envers la végétation, que pensez-vous de la miséricorde qu'il avait envers les humains? Cette miséricorde a même touché les associateurs, les koufars, les mécréants. La miséricorde de l'islam est tellement vaste qu'elle englobe même les non-musulmans. Des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam car ils avaient reçu beaucoup de nuisances des non-musulmans. Ils ont dit au messager d'Allah, invoque Allah contre les associateurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens. Je n'ai pas été envoyé pour faire sortir les gens de la miséricorde d'Allah, mais j'ai été envoyé en tant que miséricorde. Et lorsqu'il est parti appeler son peuple à l'islam, dans une certaine ville, ils l'ont accueilli en lui jetant des pierres. Ils l'ont accueilli en le frappant et en faisant couler son sang. Savez-vous ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite? Il a essuyé le sang de son visage en disant « Allahumma ghfir li qawmi »« Oh Allah, fais miséricorde à mon peuple !» Car voici un peuple ignorant. Voici la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes, après les événements qui se sont passés, les événements tristes qui ont eu lieu ces derniers jours, ils ont voulu attribuer cette injustice à l'islam. Et l'islam est innocent de cela. Et celui qui veut regarder l'islam, qu'il regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il regarde les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et qu'il regarde la vie de nos pieux prédécesseurs. Voici l'islam avec lequel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam interdit la justice. Et cela fait partie de la perfection de cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a dit, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite envers mes serviteurs. Alors ne commettez pas d'injustice. L'injustice est interdite. et la pire injustice, c'est al-shirku billah, le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi l'injustice, le fait de faire commettre des péchés, c'est de l'injustice envers toi, ya Abdallah, envers ta propre personne, car tu dois sauver ta propre personne du feu de l'enfer. Parmi l'injustice, le fait de faire du mal aux autres, comme tuer des âmes innocentes, comme voler les gens, comme parler sur les gens et parler derrière leur dos et mentir sur les gens, tout cela fait partie de l'injustice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc que ceux qui espèrent salir l'image de l'islam abandonnent cette turpitude, car l'islam est une religion pure qui vient d'un Seigneur pur, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba walhamdulillah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. بين المناكب والأقدام وسد الخلل تراسوا أتموا الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر تراسوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر